Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour la 11e édition de Sur nos écrans. Cette semaine, nous ferons le bilan de la saison 5 de la série The Walking Dead, puis nous enchaînerons sur le programme assez chargé en news ciné et télé pour ce qui concerne les adaptations de comics. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 11e épisode de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the street. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi cette semaine, Arnaud. Salut. Mais cette fois, nous ne sommes pas seuls puisque Elodie est ici également. Bonsoir tout le monde! Et Byron, il dira bonjour plus tard. Cette semaine, on va exceptionnellement inverser l'ordre des choses. Nous allons commencer par le débrief de la semaine. Vous nous direz si cette formule vous plaît plus que l'autre, pourquoi pas. Et nous allons donc parler de la cinquième saison de Walking Dead qui s'est terminée il y a 3 semaines maintenant, à peu près. 2 semaines et demie. Ça marche. Donc 2 semaines et demie, on va dire. Et qui, bah, évidemment, a toujours le même succès du côté des audiences. Vous en avez parlé pour la première moitié de saison. Et puis, depuis, on n'était pas trop revenu dessus. Donc là, on va faire carrément le bilan de la saison complète. Et puis, pour commencer, Elodie, si tu veux bien, nous dire un petit peu ton ressenti global sur cette saison 5. Bah oui, que cette saison était assez intéressante. Elle a exploré des nouveaux points de vue, on va dire, qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir auparavant. Même si d'autres personnes diront que c'est toujours la même chose et qu'on se fait chier devant, je ne suis pas d'accord. Je trouvais que cette saison, il y avait des choses très intéressantes, et en particulier sur cette deuxième partie avec la découverte d'Alexandria. Ouais. Je trouvais que l'univers était sympa de découvrir tout aussi un autre groupe qui sont totalement différents de celui de Rick, et de voir à quel point aussi le groupe de Rick a évolué depuis la première saison. C'est que maintenant, ils sont là pour tuer, pour se défendre, on va dire, mais enfin voilà, ils sont devenus, on va dire, entre guillemets, impitoyables. Ouais, c'est sûr que la méthode a changé du côté du groupe de survivants. Arnaud, pour toi, ton impression rapidement sur la cinquième saison? De manière générale, c'était une plutôt bonne saison. La première partie, j'avais pas trop aimé, c'était assez ennuyeux. Toute la partie à l'hôpital, etc., on va pas revenir dessus. Et par contre, la seconde... Le début de saison était très intéressant. Oui, mais bon, c'était un épisode ou deux. Après, ils sont vite retombés dans des choses vues et revues. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé la deuxième partie de saison. C'est sans doute celle que j'ai préférée de toute la série, je pense. Et comme disait Elodie, c'était bien de voir l'évolution des personnages, de voir qu'au final, au début de la série, le groupe de Rick était assez similaire à ceux d'Alexandria, inexpérimenté, etc. Et de voir l'évolution jusqu'où ils sont prêts maintenant à aller pour survivre. Et j'ai beaucoup aimé découvrir ce nouveau groupe. Bon, il y a eu de nouvelles dynamiques qui ont été créées qui est juste géniale, comme Daryl et Aaron. J'ai trouvé le duo excellent. Et j'ai aimé aussi dans cette seconde partie de saison, c'est que cette fois-ci, ce ne soit pas les autres qui mettent en danger le groupe de Rick, mais c'est que pour une fois, c'est le groupe de Rick qui est vu comme les méchants, en quelque sorte, et pas un autre groupe qui attaque Rick. Enfin, on sent que la tendance va se réinverser avec les Wolves. Je sais pas comment ça se prononce. On verra ça plus tard quand on parlera effectivement de la saison 6, mais on a une grosse grosse menace qui se profile. Pour ma part, première moitié pas terrible, et vraiment la deuxième moitié plutôt incroyable. Plus d'évolution dans cette deuxième moitié de saison que dans les 2 dernières années, j'ai envie de dire. Pour les personnages, pour leurs relations. Non, vraiment, vraiment très très bien. Et puis, peut-être le meilleur season final depuis le début de la série. On a enfin un season final qui vraiment nous prend de A à Z et qui ne se contente pas d'exploser dans le dernier quart d'heure. Il n'y a pas vraiment d'explosion d'ailleurs. Je suis un peu déçu, voilà, justement, du pseudo-cliff qui nous ont servi. Voilà, c'est pas suffisant pour donner envie de revenir. Mais d'accord, on s'attendait à une grosse explosion finale qui nous aurait encore plus laissé sur notre faim. Mais justement, ils ont l'habitude de faire ça, et c'est bien qu'ils aient changé leur manière d'écrire, que ce soit intéressant ce qui se passe dans l'épisode, c'est ça qui donne envie de voir, de revenir pour voir l'évolution de ce qui est présenté dans l'épisode, et pas juste un truc énormissime dans les deux dernières minutes qui donne envie de voir la suite, parce qu'il fallait faire revenir le client la saison prochaine, parce que le reste de l'épisode était chiant. Oui, et puis si on veut choquer, il y a Game of Thrones. Ouais. Mais Game of Thrones, c'est l'avant-dernier épisode, alors. C'était un peu la saison des contre-pieds, là, j'en profite de ce que tu viens de dire, Arnaud, concernant le Fidèle. C'était un peu la saison des contre-pieds entre l'épisode un peu spécial consacré à, j'ai oublié son nom, à Tyrese. Ce final, effectivement, qui est un petit peu à l'envers des autres season finales qu'ils pouvaient nous proposer, et qui a globalement beaucoup mieux fonctionné. C'était un peu, ouais, la saison, tu le dis, la perception qui s'inverse par rapport au groupe, etc. Du coup, on a un peu été pris à l'envers pendant toute la saison, et, enfin la deuxième moitié de saison en tout cas, et c'était plutôt agréable d'être surpris. Et c'est pour ça que je trouve cette seconde partie de saison excellente. Je te disais, au départ, c'est sans doute pour moi la meilleure partie de saison The Walking Dead, parce que justement, ils se contentent pas de faire un schéma vu et revu dans les saisons précédentes. Ils tentent des choses, ils expérimentent, comme avec l'épisode de Tyrese. On en avait discuté quand ça était revenu. Je suis pas forcément d'accord que ce soit intéressant qu'ils aient utilisé ce procédé pour Tyrese, mais je suis content qu'ils l'aient utilisé, qu'ils ont voulu faire autre chose. Et justement, c'est pour ça que je trouve ces 8 derniers épisodes excellents, parce qu'ils tentent des choses au lieu de se reposer sur leur laurier. Même Carl m'a semblé sympathique. Mais on le voit beaucoup moins déjà. Cette partie à Alexandria l'a rendu sympathique. J'avais beaucoup moins de... comment dire... De haine envers lui quand je le voyais, parce que vraiment, avant, je ne pouvais pas l'encadrer. Et là, ils ont réussi à retourner un peu la tendance. Est-ce que c'est bon signe pour lui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ils ont réussi à en refaire quelqu'un de sympa. Non, mais tu as raison, j'avais plus envie de le tuer, là. Enfin, j'avais plus envie de qu'il meure. Donc, c'était un progrès déjà par rapport aux saisons précédentes. Mm-hmm. Mais justement, je sais pas, c'est peut-être parce que avant, ils essayaient de se prendre pour un adulte, alors qu'il en est très loin de l'être. Et là, ils l'ont mis à sa place, en fait, ça reste un ado. Il fait des choses d'ado. Il fait pas des choses chiantes d'adulte qu'il a pas les épaules pour faire, disons. Et que l'acteur n'a pas les épaules pour incarner. Et ils lui ont donné des choses à sa taille, disons. Et puis, on voit aussi tout le décalage qu'il a par rapport aux autres jeunes de son âge, justement, maintenant, par rapport à tout ce qu'il a vécu dans ses saisons précédentes. Au moment où il essaye de s'insérer dans le groupe de jeunes à Alexandria. Là, on voit vraiment toute la différence qu'il y a entre des jeunes qui ont continué à vivre avec leurs jeux vidéo, machin et tout ça, et lui qui est au milieu de tout ça. Je pense que la jeune fille, elle est un peu comme lui. Elle est un peu en décalage aussi, mais... Elle est proche d'elle parce que elle est un peu comme lui, elle sait ce qu'il a enduré parce qu'ils ont vécu un peu les mêmes choses. Bah, je pense qu'il y a de ça, c'est... Elle le perturbe moins, disons, parce que... Elle est ce qui se rapproche de lui, de ce qu'il a connu, alors que les autres c'est un peu des ovnis. Il a jamais vécu ça ces dernières années. C'est plus ce que c'est d'être, disons, un ado normal qui joue aux jeux vidéo, etc. Donc oui, c'est sans doute parce qu'ils sont tous les deux spéciaux comme ils sont, à cause de tout ce qu'ils ont vécu, qu'ils se rapprochent. C'est vrai. Et il y a d'autres personnages dans la fin de saison surtout, qui sont géniaux encore à connaître, genre Carole. Moi, Carole, je l'ai trouvée géniale. La fille qui essaie de redevenir invisible dans Alexandria, alors que voilà, maintenant, c'est plus du tout la même femme qu'on a connue au début de la saison 1, qui se faisait battre par son mari, qui au contraire veut dénoncer ça. Et elle est hyper trash avec ce gamin, là, l'histoire des cookies et tout, ça c'est... Elle est vraiment... Elle est flippante. Elle est effrayante maintenant. Et j'adore Carole justement pour ça. Parce que c'est là, je pense, le personnage qui a le plus évolué par rapport à sa situation initiale dans la série. Et c'est l'un des personnages qui va vraiment à contre-pied de certaines choses. C'est parce que souvent, c'est quand même... The Walking Dead, c'est vraiment pas subtil. Hein. La femme gentille qui est protégée par le monsieur viril, Rick, etc. C'est pas vraiment subtil. Et elle, justement, elle a pas besoin de Rick, et elle est très intelligente, parce que, pareil, comme tu disais, Elodie, elle arrive à Alexandria, hop, elle redevient invisible, mais elle le fait exprès, justement, pour faire ses petits coups par derrière, prendre les armes, etc. Et justement, elle est maligne, et c'est pour ça que j'adore ce personnage. Ouais. Ah ouais, elle est très très manipulatrice. Enfin, vraiment, c'est. Et puis on a quand même perdu quelques personnages en route hein, cette saison. Bon, on reviendra pas sur celle dont on a déjà tous oublié le nom. voilà. Bess. On a aussi perdu Aaron. Harry. C'est Aaron hein, qui le black. Je me rappelle jamais de son prénom. C'est Noah. Oui, Noah. C'est Noah. Bon, on a perdu. Voilà. On a aussi perdu donc Tyrese évidemment au retour de saison. Et puis Noah, on l'a perdu super vite au moment où il devenait intéressant. Oui. Où vraiment on commençait à s'attacher à lui et tout ça. C'est pour ça que je vous dis que ça sent pas très bon pour Carl cette histoire. C'est pas très grave. Et Rick, surtout Rick confirme son statut de leader. Ah oui c'est sûr. Mais de leader qui vire un peu au leader un peu extrême. Quoi. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord avec lui maintenant, il fait buter. Il vaut mieux pas le dire, voilà. Donc non, c'est sûr que grosse évolution sur la saison pour tous les personnages. Il y a quelques personnages quand même qui servent toujours à rien. Hein. Je suis désolée, mais il y en a. On a la comment elle s'appelle la celle qui devient la nouvelle Andrea des comics Arnaud qui monte dans le clocher avec sa carabine. Je sais plus son nom. Sacha. Sacha. Voilà. Ouais. Donc on a Sacha qui gagne sa place de plus en plus et qui. Ah ben elle est énervante, moi je trouve. Ah je suis d'accord. Ah moi je trouve qu'elle prend un certain potentiel. Ah bah je trouve que Rosita a plus de potentiel pour le coup. Ouais. Ce qu'ils en font pour l'instant. Bah justement, le peu qu'on en voit, moi ça me donne envie d'apprendre à la connaître. Je trouve qu'elle a une bonne touche d'humour sympa. Non, je sais pas, elle est plus que juste la nana du moustachu roux là, je sais plus comment il s'appelle. Putain, on a du mal avec les prénoms ce soir. Abraham. Abraham, voilà. Oui, non mais elle sert à rien pour l'instant. Elle ouvre les cuisses quand il a envie et puis c'est tout. C'est triste. Qu'elle ne sert pas qu'à ça. Et pareil, le prêtre, il a eu une scène où c'était devenu intéressant quand il va un peu aider tous les autres machin, et puis après inutile. Ouais, c'est oui, dans le prêtre, ouais, c'est très anecdotique, très très anecdotique. C'est la grosse déception de la saison. Ce pilote ne se termine pas sur ce pilote. Ce saison finale ne se termine pas sur une explosion, comme on l'a dit, mais plutôt sur quelque chose de soft, avec la situation de Rick là au milieu de tout le monde, son règlement de compte avec le mec qui bat sa femme là, et puis surtout cette scène post-générique, si on, entre guillemets, parce que c'est pas du tout après le générique, qui nous tease l'arrivée d'un groupe, peut-être d'un nouveau groupe rival, qui donc sont les Wolves. Est-ce que moi ça suffit pas à me faire revenir de voir juste le nom sur la voiture, mais est-ce que vous, ça vous a titillé au moins un peu, cette conclusion et cette ouverture vers la suite? Clairement pas. Ça titille un peu, mais je me dis que ça va être encore du déjà vu. Moi ce qui me titille plus et ce que j'attends plus, c'est Morgane. C'est l'arrivée de Morgane qui était à la recherche de Rick. Non mais lui c'est pareil, on l'a vu marcher pendant toute la saison, on l'a vu les regarder pendant toute la saison. Il a un bâton, il nique tout le monde. Et mais pour quoi faire? Voilà, bah c'est ça, moi tu vois, ça m'intrigue, ça, plus que le reste. Après moi voilà, ça ne m'intéresse pas pour revenir, mais ça me parle en tant que lecteur de comics et j'espère voir où ils en viennent, si c'est vraiment cette grande période que j'attends depuis un petit moment maintenant, c'est tant mieux. Mais après, voilà, c'est juste qui sont ces Wolves? Est-ce que ces Wolves sont vraiment ceux qu'on appelle autrement dans les comics et qui ont à leur tête un ennemi très charismatique ou pas? C'est la seule question que je me pose. Il y a de l'idée dans leur piège, en tout cas, parce que... Oui, il y a de l'idée dans leur piège. Oui, c'est sûr qu'on sent un groupe très organisé, très performant, enfin, voilà, avec vraiment des techniques qui sont très avancées au niveau de... presque militaire, j'ai envie de dire. Enfin, c'est vraiment, voilà... Ouais, c'est un sérieux morceau qui attend Rick et tous les autres, c'est clair. Bien, ben voilà, on va terminer pour ce bilan de saison de The Walking Dead. Donc ben rendez-vous à la rentrée maintenant pour la 6e saison et pour le spin-off Fear the Walking Dead. Qui sera diffusé, lui, cet été, enfin avant en tout cas la saison 6. Voilà. On a hâte. Bah oui. Bah le petit teaser, moi, a l'air de nous présenter quelque chose que j'attends depuis longtemps, c'est-à-dire plus ou moins les origines. Non. Non, on les aura ça a l'air d'être au début de l'épidémie, au moins. C'est le début de l'origine, mais c'est le début de l'épidémie, mais on saura pas pourquoi elle a commencé, comment elle a commencé. Enfin, ça a été clairement dit et confirmé et reconfirmé par Robert Kirkman. Jamais il nous expliquera comment ça a commencé. Et j'espère qu'il le fera jamais. Donc, J'espère l'inverse. Moi, je veux savoir. Je pense que Robert Kirkman est quand même quelqu'un qui respecte sa parole et son public aussi. Non, mais je pense, mais bon, au moins on aura peut-être un peu plus de savoir comment il. Je sais pas. Bref, on aura peut-être au moins une moitié d'explication sur quelque chose, on verra bien. Oui, peut-être. Enfin, au moins comment les humains ont pu être aussi mauvais ou mal organisés ou je ne sais pas quoi pour se laisser déborder par quelque chose qui commence quand même à très petite échelle. Ça peut être intéressant. Mais après, pourquoi ça a commencé, je pense pas qu'on le sache maintenant. Voilà, on va fermer la parenthèse The Walking Dead et nous allons donc te libérer, Elodie. Merci. À la prochaine fois. Bonne soirée. Bonne soirée, bisous à tout le monde. Bye. Salut. Ouais, impeccable. Ouais. Et salut Byron. Salut. Et donc, une fois n'est pas coutume, nous allons terminer cette émission par la partie news et on va commencer par le cinéma et toutes les news qui concernent DC Warner, c'est-à-dire une news, Byron. Alors oui, puisque Phil Lord et Chris Miller ont confirmé qu'ils font partie du projet The Flash pour écrire le traitement du scénario qui est l'histoire de base. Mais pas le scénario en lui-même. Et à savoir qu'ils ont réalisé le film Lego. Donc Lego, l'aventure Lego, j'imagine. Ouais, la grande aventure Lego. Je reconnais pas les noms, c'est pour ça. C'est ça. Okay. Donc c'est eux qui sont derrière ce film-là. Donc c'est bien pour le film The Flash hein, cette fois. Et donc du coup voilà, on pensait qu'ils allaient réaliser, puis finalement ils font juste une espèce de pré-ébauche du scénario. Rien de bien glorieux en somme. Avec cette grande masse de news d'ici, on va pouvoir passer au bloc Marvel maintenant. Et Arnaud, c'est toi qui vas nous parler de Infinity War. Oui, là, c'est plus une confirmation de rumeur. Oui, parce qu'on le savait à demi-mot. On le savait, mais on attendait la confirmation de Marvel. Et donc, c'est sûr et certain maintenant que les frères Russo qui avaient réalisé Captain America Winter Soldier et qui s'occupent de Civil War seront les réalisateurs d'Avengers Infinity War Part 1 et 2. Qui sortiront en 2017 et 2018, et donc qui succéderont à Joss Whedon. Ouais. Toujours du côté de Marvel Studios, on va parler un petit peu d'Avengers Age of Ultron maintenant, pour relayer quand même l'annonce du fait qu'il n'y aura pas de scène post-générique, mais quand même éteindre l'incendie, puisque voilà, la scène post-générique, c'est juste la scène des shawarma dans Avengers le premier. Ce qui est important dans les films Marvel Studios, c'est pas la scène post-générique qui est souvent très anecdotique, c'est vraiment la scène, le mid-credit scene, c'est-à-dire la scène qui arrive au milieu du générique, qui là est très importante, parce c'est dans celle-là qu'on a découvert Thanos, c'est dans celle-là qu'on a découvert à la fin de Captain America comment s'appelle-t-il Scarlet Witch et Quicksilver, enfin voilà, c'est vraiment ces scènes-là qui sont importantes, et cette scène-là on l'aura bien dans Avengers Age of Ultron, donc pas d'inquiétude. Et puis si on n'a pas de scène finale, c'est pas grave, puisqu'on aura deux fois Stan Lee dans ce film. Il l'a annoncé lui-même, il apparaîtra dans deux scènes consécutives. Donc il est évidemment très excité à cette idée-là. Enfin voilà, le discours habituel de Stan Lee. Et puis pour terminer sur ce film Avengers Age of Ultron, les projections qui sont basées entre autres sur les préventes de billets, etc., annoncent une ouverture record pour ce film qui pourrait être la plus grosse ouverture de l'histoire, qui dépasserait les 200 millions de dollars, simplement sur le week-end d'ouverture et simplement sur les États-Unis. Voilà pourquoi ça serait quelque chose d'énorme. Donc a priori, toutes les lumières sont au vert pour ce film, même si Daredevil a eu tendance à l'éclipser pendant une semaine. Ouais. Et puis Byron, pour terminer dans l'univers Marvel Studios... Oui, Kevin Feige a confirmé que Spider-Man sera bien Peter Parker, pardon, et qu'il aura entre 15 et 16 ans. Donc il retournera à l'école et ce ne sera pas Miles Morales comme on aurait pu entendre avant. Voilà. Après, Kevin Feige ne ferme pas la porte à Miles Morales, apparemment, mais voilà. Le Spidey sera bien Peter Parker. Et il confirme aussi qu'on n'aura pas d'origin story. Ouf. Tant mieux. Et du côté de la Fox, Arnaud ? Eh bien, on a appris que l'acteur Ben Hardy allait jouer Angel, qu'on avait pourtant déjà vu dans le troisième X-Men en 2006. Mm-hmm. Et on a appris aussi en même temps qu'il fait jouer Angel, mais lequel ? Parce qu'il y a eu plus ou moins des rumeurs comme quoi ce serait pas forcément le même personnage. Et justement à cause d'un concept art, ce qu'on a vu, où on voyait le personnage non pas avec de vraies ailes d'ange comme dans sa première apparition, mais avec des ailes mécaniques, ce qui rappelle un personnage des comics qui s'appelle Archangel, voilà. Et qui travaille avec Apocalypse. Voilà, donc à voir ce que sera réellement Ben Hardy. Et puis pour terminer, du côté du cinéma, deux annonces un peu plus de indé, on va dire, avec tout d'abord Jupiter's Legacy, qui est un comics de Mark Millar, et comme tout comics de Mark Millar, Jupiter's Legacy sera adapté en film. Et puis un film qui fait le chemin inverse, qui va devenir un comics, c'est Drive, qui était d'abord un roman, puis qui est devenu le film de 2011 ou 2012, je sais plus, avec Ryan Gosling. Et ben maintenant, voilà, le chemin est fait, et Drive arrivera en comics, il me semble, à l'automne, chez IDW. Bon, j'avais pas vu ce film, donc je sais pas trop quoi en penser. Arnaud, toi, tu l'as pas trop aimé, c'est ça ? Si, en plus, mais c'est très space. D'accord. Ouais, il est trop... ce que ça peut devenir en comics. Bah moi je l'ai vu et j'étais pas déçu, ouais, si quand même un peu, parce qu'en fait il se passe rien, enfin il parle en fait, jamais. C'est un non, il y a très peu de dialogue et c'est un film très visuel. Ouais, voilà, ouais. D'accord. Mais je pense que en comics, ça, franchement moi ça m'intéresse. C'était quand même, je pense, un bon film quand même, mais du coup je pense qu'en comics en plus il y a moyen de faire de belles choses et tout, et pourquoi pas, et ça coûte pas grand-chose quoi. On va essayer. Et ben alors on verra. Donc cet automne. On va passer maintenant à la partie télé des news, avec quelques petites choses qui ont été annoncées. Alors on va commencer cette fois par les projets un peu issus de comics indé, Arnaud. Oui, alors c'est sur le Point Picture, puisque le pilote va pas tarder à être tourné pour AMC. Et donc on a pris un nouveau casting, c'est celui de Lucy Griffiths, qu'on a vu dans True Blood et surtout dernièrement dans le pilote de Constantine, puisqu'elle jouait Liv, l'héroïne, avant d'être finalement virée à la fin du pilote. Et donc là, elle retourne chez DC, disons, plutôt dans la veine indé de DC Vertigo. Et donc elle jouera dans le pilote de Preacher, un personnage inédit des comics, qui s'appelle Emily et qui est une mère célibataire de 3 enfants, qui a un petit penchant pour le révérend Jesse, voilà. Qui est le personnage principal. Donc, en gros, pour résumer, Lucy Griffiths, c'est la personne qui va faire tous les pilotes de toutes les séries Vertigo et qui va s'arrêter au pilote. Voilà, elle va être virée, encore une fois. Et puis toujours du côté indé et du côté Vertigo, Arnaud ? Oui. Ouais. Alors, on a appris que Eric Kripke, qui est le créateur de Supernatural, le producteur de Revolution, développe une série pour USA Network, adaptée d'un comics Vertigo qui s'appelle Ant, qui est une mini-série de 6 épisodes qui sortira cet été. Et c'est une mini-série de comics qui est aussi écrite par Eric Kripke, donc il adapte sa propre œuvre à la télévision avant même la sortie. Et donc, en gros, c'est l'histoire d'un certain Josh, un père de famille qui achète en ligne une pilule qui le intelligente en fait. Et ces pilules lui donnent des pouvoirs en fait. D'accord. Ok. Oui, donc en gros il s'est fait un petit script en 6 épisodes avec juste des bulles en plus et puis il va faire de ce script un petit. Une série. Voilà. Ok. Bien. Bah pourquoi pas. Une série de plus, j'ai envie de dire. Du côté de chez Marvel et de la télé, on a appris cette semaine par Entertainment Weekly que Marvel Studios est en train de développer une nouvelle série pour ABC qui n'est autre qu'un spin-off à Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. C'est un peu l'annonce surprise de la semaine, certes pas confirmée par Marvel Studios, mais bon, c'est quand même Entertainment Weekly qui l'annonce, et avec plutôt de certitude et même des noms, puisque le projet serait confié à Jeffrey Bell, qui a bossé sur Angel, sur X-Files, et à Paul... Zbidevski qui a bossé sur Lost et Hawaii 5-0, et qui était déjà scénariste sur la série Agents of S.H.I.E.L.D. Donc voilà, aucune info pour le moment sur le concept de cette série, on ne sait pas de quoi ça va parler, on sait juste qu'il n'y aura pas de backdoor pilote dans la série Agents of S.H.I.E.L.D. comme ça avait été le cas pour Flash dans Arrow par exemple. On sait juste que ça va reposer sur des éléments d'intrigue qui sont encore à venir dans la saison 2 d'Agents of S.H.I.E.L.D. et une fois que ces éléments seront introduits, on devrait rapidement a priori d'après Entertainment Weekly, voir ce que sera ce spin-off. Donc, à suivre, mais en tout cas, voilà, ça dépendra aussi des commandes d'ABC. Hein. Parce que certes, ils préparent quelque chose, mais c'est pas pour ça que la chaîne va le commander, même si... Disney, tout ça, voilà. Bon, pourquoi pas? Oui, puis ça veut dire que la chaîne y croit, et donc du coup, bah, malgré ça sent plutôt bon pour Agents of S.H.I.E.L.D. et Agent Carter. Oui, alors est-ce que ça va remplacer Agent Carter entre les deux parties de saison? Est-ce que ça sera en plus? Enfin voilà, il y a plein de questions autour de ça. Ils pourraient faire moins d'épisodes de chaque série, et comme ça avoir du Marvel tout le long de l'année sur les trois séries. Peut-être. Ça peut être une technique. Faire 13 et 13, et puis toujours garder à peu près 8 pour Carter. Enfin, oui, tout est possible. À voir. Byron, on va passer du côté de chez DC maintenant. Oui, avec la série Arrow. Et donc, on a appris que le Hive, qui est la mystérieuse organisation qu'on a vue à la fin du dernier épisode, aura une beaucoup plus grande importance dans la saison 4 de Arrow, et on en saura beaucoup plus sur eux. L'acteur de John Deagle, il a affirmé que le Hive allait jouer un rôle important, et que on va tenter de comprendre pourquoi le Hive, il a recruté Deadshot pour tuer son frère Andy. Et donc, Deagle aura une très grosse importance, je pense, dans la saison numéro 4. Au contraire de cette saison où il sert un peu à rien, quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Bah, il a fait un bébé, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà, il nous l'avait dit, hein, l'acteur, que son personnage allait avoir un développement, qu'il savait que les producteurs avaient quelque chose de prévu pour lui, etc. Bah voilà, a priori, la saison 4 sera sa saison. Pas trop tôt. C'est ça. C'est toujours mieux que Felicity. Allez Arnaud, bah toujours dans le même univers. Hein. Ouais, et c'est Stephen Amell qui a révélé à une convention qu'un personnage de Arrow, qui n'est pas un des personnages principaux, donc moi je pense à Roy, hein, apparaîtra dans les trois séries. Ah, Roy ou Felicity, mm-hmm. C'est quoi le faire. Apparaîtra dans les trois séries, donc Arrow, Flash et le spin-off. Hein. Et donc il y aura beaucoup d'interconnexions, comme il l'a appelé, donc en gros beaucoup de crossover entre ces trois séries. Mmh. On va laisser Byron faire la news suivante, et puis je reviendrai après sur un commentaire de celle-ci. Byron. Oui, bah justement, puisqu'on a appris que la troisième série, le spin-off de Arrow Flash, serait bien vraiment provisoirement nommée The Atom, en référence donc au héros de Atom, qui est... Ah, voilà, et donc du coup on a le lien entre les trois séries effectivement avec Felicity. Et le nom provisoire de la série c'est The Atom, voilà, à confirmer, et peut-être qu'ils vont le garder d'ailleurs. Hein. Donc du coup, bah le lien avec Felicity entre les trois est évident. Pitié non, pas son titre. Donc malheureusement, si c'est The Atom, on va manger du Felicity dans les trois séries. Ouais. Parce que Roy, je pense pas, enfin je vois pas trop ce qu'il aura à faire. Enfin, chez Flash. Chez Flash, contre, c'est le côté Roy chez Flash. Ça dommage quand même, parce que en plus, je trouve qu'il est. Et bah, tu peux supprimer ça au montage. Oui. Puisque apparemment, le producteur exécutif de Flash a affirmé sur Twitter que le titre ne serait pas The Atom. Ah bon? Ouais, mais c'est provisoire, je crois. Enfin, c'était ouais. Leur titre de travail provisoire. Là, il dit, beaucoup de rumeurs sur Internet à propos du titre du spin-off. Je vous promets que tout est faux, et on vous en dira plus bientôt. D'accord. Bon. Bah voilà, bah le rayon, on laissera le montage comme ça, hein, parce que c'est quelque chose que tu as trouvé, ouais. Que tu as vu, qui est tombé en même temps que l'enregistrement. Il y a 4 heures. Mais bon, je pense que quand même, Atom aura une grosse place dans cette série. Et je pense franchement, je pense que ce serait entre guillemets cohérent que Felicity soit celle qui fasse vraiment le lien, je pense. Ouais, qui soit un peu là. Parce que comme tu l'as dit, Roy, il peut pas vraiment, il a pas trop sa place chez Flash. C'est dommage parce que j'aimerais en tout cas plus le voir au moins dans Arrow, qu'il a parlé de lui, ça serait déjà pas mal. Ouais, ou même lui donner peut-être un ou deux épisodes rien que pour lui, faire une mission, ou même si c'est pas grand chose, mais dans justement ce service de ce spin-off pour lui donner un peu plus de profondeur là, parce oui que... sauf que avec Felicity ça pose un problème, parce que c'est un personnage principal. Ah, et l'acteur a dit oui, c'est pas un des principaux. Je sais qu'un des personnages, un personnage qui est apparu d'abord dans Arrow mais qui n'est pas un des personnages principaux, fera le lien entre les trois séries. Bon, on verra, de toute façon, on est vraiment dans les spéculations et les hypothèses. Hein. Mmh. On saura bien assez vite, de toute façon, voilà, CW a quand même habitude de communiquer assez bien autour de ces séries. Donc, puis si c'est pas CW, ce sera Geoff Jones. Donc, voilà. Et bien voilà qui clôture cette partie de news et qui clôture donc cette émission, puisque nous avons déjà fait le débrief. Les rendez-vous de la semaine maintenant. Ce week-end, on se retrouve pour la 11e Padawan édition, qui sera consacrée à Lazarus, qui est le titre Glenna que vous attendez le plus, lecteurs et auditeurs de Comic Stories, d'après la question de la semaine qu'on vous avait posée il y a quelques semaines. Donc on vous parlera un peu plus en détail de cette série. Le mardi prochain, on se retrouve pour le MAG, qui sera donc le numéro 12. Et puis la semaine prochaine, jeudi, nous nous retrouvons pour le 12e numéro de Sur nos écrans. Et oui, si on ne l'a pas fait cette semaine, on le fera bien la semaine prochaine. On vous fera évidemment le débrief de la série Marvel's Daredevil. D'ici là, bonne lecture, bonne série, et à la semaine prochaine. Salut. Salut.